sera peut-être un autre jour si on s'en donnait la peine. La peine, la peine, si on s'en donnait la peine. Demain sera peut-être un autre jour si on s'en donnait la peine. La peine, la peine, si on s'en donnait la peine. Je ne sors plus de... C'est la guerre des populations dans la ville. Je voudrais vivre encore des histoires d'amour loin de tous ces traumatismes. On se partage nos corps sous les volets fermés, les lumières éteintes et le soleil qui brille. Mon amour encore jusqu'à ce qu'on puisse un jour faire naître notre petit. Naïf d'avoir été dans le silence et dans la croyance de faire preuve de restitution de soi. Or, que l'on s'est décomposé. Nous ne devions foncer, mais plutôt lâcher prise pour à nouveau allumer le soleil qui sommeille en nous. Laissez-moi terminer votre vie avant même qu'elle ne commence. Ne sortez plus, je n'aime pas sortir. Ne parlez plus, je n'aime plus parler. Partagez mon mal-être. J'irai vous procurer autant de douleurs possible. La création est souvent la résolution de mes problèmes. Le manque d'affection comblé par une consommation extrême. Je pense être riche dans la vie en fumant le temps qui s'envole au ciel. Passant trop vite par moments, je n'avais remarqué mes troubles caractériels. Insolent et atypique, un caméléon selon certaines situations. Je voyais rouge et noir, même le lendemain ce n'était pas bon. Puis un jour on tente de voir la vie en rose, tout est question de perception. Se dire que tout va mal et tout va mal comme se dire que tout va bien et tout va bien. C'est tout con. Envoyez-moi des mauvais souvenirs si un jour l'envie de rechute me reprend. La rareté de la vie ne doit être détruite par une consommation liberticide et sans plan. J'ai eu tort de penser sans savoir de croire que je comprends. Comme un choc électrique quand j'ai compris que ce n'était pas moi qui fumais mon joint, mais mon joint qui me fumait. J'en suis maintenant conscient.